T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. WERS Monster. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU for Charlie. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, allez directement maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Planète Indie. Nous en sommes aujourd'hui à l'épisode numéro 375. On se rapproche tout doucement du 500e. Non, ça je rigole, du 400e en tout cas. Nous sommes donc le samedi 7 août et comme chaque premier samedi du mois, eh bien, c'est votre rendez-vous avec 1h30, 90 minutes de musique indépendante et de musique alternative. Alors aujourd'hui, évidemment, pas mal de très bonnes choses, comme chaque mois, on va vous dire. Allez, quelques noms pour vous mettre à la bouche. On va écouter au cours de ces 90 minutes Michael Ward with Dogs and Fishes. On écoutera Papa Zatch, on écoutera Lars Nelson, on écoutera Shira. Et pour commencer, eh bien, on va retourner sur un album qui était Powerplay il y a de cela deux ou trois mois, je pense. C'est l'album du groupe Inouï. Un album qui s'intitule Rawhide. Et on va en écouter la plage d'ouverture qui s'appelle Terminator. Je sais pas si c'est en référence au film, mais en tout cas ça s'appelle comme ça. Et puis après cela, eh bien, nous écouterons une nouveauté avec les Road Wives et Just Give Me Back Myself. Restez donc bien avec nous, nous sommes ensemble jusque 18h30. Jump. tools to fix me. Just give me back myself like we were never lovers. Just give me back myself and we can learn to live. Just give me back myself and we can just be strangers. Just give me back. Just give me back myself. Just give me back myself like we were never lovers. Just give me back myself and we can learn to live. Just give me back. Hey, this is Sheila from Dala, and you're listening to Planet Indie. Can't hide. Voilà, j'espère que vous appréciez ce début d'émission. Oula, ce début d'émission un peu, voire beaucoup féminin, avec un instant les Road Wives et Just Give Me Back Myself. Et avant cela, le groupe danois Inouï avec Terminator. On continue avec Je m'en mêle les pinceaux. Et là, à l'instant, ce qu'on écoutait, pardon, j'ai oublié de vous l'annoncer, c'était Linz E Music avec Love It Asleep. Voilà, comme ça on est tout à fait et correct. On poursuit, comme vous l'avez pu l'entendre, avec quelque chose qui va pulser un peu. Ça s'appelle Harsh Blue, You Gotta Have a Belief. Et puis après on écoutera les questions de Chekutan, Questions. Waste my time. Don't wanna lose control. If I'm not doing right, you gotta let me know. Ooh, you make me feel like I never felt before. You gotta treat me right. Don't want that anymore. Everything is goodbye. Everywhere you go, you gotta have a belief. Then time will come to face the death. Now your job is done. Just clean your mess. Don't be afraid of what you've done. It'll be too late. All you did is done. Everything is goodbye. Everywhere you go, you gotta have a good belief. Everything you look by, everywhere you go, everything I am, everywhere you go. No. Voilà, à l'instant, les questions de Chekutan, Questions, extrait d'un EP 5 titres qui s'appelle Greek Fire. 17h21, je vous rappelle que vous écoutez Planète Indie, nous sommes ensemble chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30, et puis n'hésitez pas à nous faire savoir votre avis sur la programmation musicale, si ça vous plaît, et si ça vous plaît moins bien aussi, il n'y a pas de raison. Notre numéro de téléphone, c'est le 26 54 00 44, 26 54 00 44, et vous précédez tout cela du 00352 si vous nous appelez de France, de Belgique, d'Allemagne, de Suède, des États-Unis, de Chine, enfin de n'importe où, puisqu'on peut nous écouter aussi via Internet, et vous êtes toujours plus nombreux à le faire. Voilà, comme ça tout est dit. Et puis vous pouvez aussi nous rejoindre via Facebook. Bah oui, tant qu'on y est, on balance tout. Vous cherchez Planet Indie dans Facebook et puis vous arriverez chez nous, il n'y a pas de souci, et comme ça c'est peut-être un peu plus facile. On n'a pas encore, on n'a pas encore de système de SMS, donc malheureusement c'est encore un peu compliqué à ce niveau-là. Voilà, donc nous, retour à la musique avec la découverte de notre album Powerplay, l'album d'un artiste local, plus ou moins local, il est français, il est originaire de la région nancéenne, il s'appelle Fred W, avec son album qui s'appelle Un truc bizarre. C'est son tout premier album, un album autoproduit. On en parlera un peu plus tout à l'heure. Et notre ami Fred, eh bien, lui, il a commencé à jouer de la musique quand il avait 16 ans. Il a commencé à jouer ses premiers accords sur la guitare de son grand frère, qui n'était peut-être pas content qu'il lui emprunte toujours sa guitare. Mais bon. Et puis à l'occasion, il écrivait aussi ses textes. Donc il a commencé très très jeune. On va vous mettre aussi une vidéo sur justement notre page Facebook, on en parlait, comme ça vous pourrez voir d'un peu plus près à quoi ça ressemble. Et je vous propose donc d'en écouter un premier extrait. L'extrait qu'on va écouter tout de suite, ça s'appelle L'odeur du vide. Nous, eh bien, j'espère que c'est pas vide. Et on écoute donc Fred W avec L'odeur du vide, extrait de notre powerplay qui s'appelle Un truc bizarre ce soir dans Planet Indie. Powerplay. Powerplay. J'aime pas le goût du rien, les sensations candides et les matins pour rien, les rêves inachevés, le printemps qui se cherche, les amours ligotés, le torrent qu'on assèche. Je préfère de loin l'audace, la beauté, le silence, les marques et les traces d'une légère insouciance. Habitudes et les nuits d'abondance. J'aime pas les bavardages, j'aime pas la confusion, l'inaudible langage, la vocifération, le tapage futile d'une rumeur aux aurores, la clameur imbécile de ceux qui parlent fort. Je préfère encore l'ennui, le fracas d'un soupir, l'immobile répit de ce temps qui respire. Thank you. les apparences, j'aime pas les illusions, les manques d'élégance, les gesticulations. J'aime pas quand ça parade, j'aime pas quand ça simule les fausses embrassades, artifices et calculs. Le destin façonné, les ambitions guerrières, tout prendre et tout bouffer sans regarder derrière. Je préfère la vérité qui nous rend si précieux, le brin d'humilité qui se lit dans tes yeux. Hi, this is Imagine Dragons, and we hope you enjoy this new track. Hey, this is Larry from Promise Lab, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Mike from A is for Adam, and you're listening to Planet Indie. Join a clown parade, drilling down the block like the Lost Brigade. Where the easy gamble and the roughest trade walk cheek to cheek like a hand on plate in my neighborhood. My neighborhood. Well, you know for certain who made the grave, by the ones who left and the ones who stayed, the ones who laughed and the ones who prayed, who wore their rags to the masquerade. My neighborhood. My neighborhood. In my neighborhood, it's all good, but don't think about more than you think you should. In my neighborhood, oh, in my neighborhood. So they can shake a cup when they meet your eyes, and you can look away like the past applies. As to what they earn and how many tries, did you know their game, but they know your lies. In my neighborhood, my neighborhood. In my neighborhood, it's okay. But don't give too much away. My neighborhood, my neighborhood. Hard luck and belly dragging, down low, way too high. Sweet things and features sagging, quick sale to make a buy. Long nights and no tomorrow, and now the light of day shines down and on the borrowed. And know that they came from away. Shit. Breaking into the line, we can lead the parade. Won't live to know the mistake he's made. Try to make his way with a 5-inch blade. In my neighborhood, my neighborhood. You got your poor and hungry and your low and mean. You got your high and on and better left unseen. All the walking around in a fever dream. All the wasted life like a cheese gone green. In my neighborhood, in my neighborhood. My neighborhood is alright if you got yourself a room tonight. In my neighborhood, my neighborhood. My neighborhood is okay, but careful don't give too much away. My neighborhood, my neighborhood. My neighborhood is all good, but don't think about more than you think you should. In my neighborhood. Oh yes, in my neighborhood. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce morceau de Philippe Lafontaine qui chantait à l'époque « Dans ma rue ». Bah oui, c'est pas tout récent. Là, c'était la version anglaise, voire plutôt américaine de ce morceau, puisque ce morceau est interprété par Michael Ward avec le « Dogs and Fishes ». Et comme les Américains font tout en grand, lui, c'est plus « Dans ma rue », c'est plus « In my street », c'est « My neighborhood », dans mon quartier. Voilà, donc Michael Ward accompagné du « Dogs and Fishes ». D'ici quelques minutes, on va écouter Lars Nelson avec un extrait aussi de son dernier album. On écoutera Papa Zatch, c'est une nouveauté. C'est un garçon originaire, si je me souviens bien, de Russie et qui a émigré aux États-Unis. Mais pour l'heure, on va se projeter dans la musique des Carnival Eros. Bah oui, c'est pas trop la saison de carnaval, mais bon, il n'y a pas de raison de ne pas les écouter maintenant. On les écoute avec Psychic Mary, le groupe Carnival Eros, encore une nouveauté aujourd'hui dans Planet Indie. It seemed to run in the family, passed down from old Granny Sue, who knew exactly just what to do. With a parlor right down on Main, Psychic Mary on the window pane, digging deep in the human soul, talking folks down the rabbit hole. Shelves all lined with dolls, hundreds of candles burning in the room, old souls risen from their tomb. Psychic Mary came from Tucumcari. Read your palm, conversate with your long gone mom. Up in the sky, she's doing fine. With the cards, gives you a sign. On a cloud with your family tree, all are perched on God's bended knee. Someday soon, Mary said to me, you'll be together for eternity. Down low. or borrow. Too late to be part of the show. My friends say it's all over. Even now it's for the bird. I say it's like I told you. Someday, somehow we'll be heard. Do you wanna play? You've got to wanna play. Do you wanna play? You've got to wanna play. To weigh the cup. Three eyes but just two sockets. Perceptions all screwed up. My friends say it's all over. Even now it's for the birds. I say it's like I told ya. Someday somehow we'll be heard. But do you wanna play? You wanna play, yeah. Do you wanna play? You got to wanna play, yeah. Too late to wait tomorrow. Tomorrow may never come for you. Too many times have gone by. We struggle to change our point of view. Let's live it while we can. Supposing there is much more, we won't find out till then. My friends say it's all over. Even now it's for the birds. I say it's like I told you. Someday somehow we'll be heard. Voilà donc à l'instant Papa Zatch avec le morceau Too Late Tomorrow. Alors je vous avais annoncé Lars Nelson avec un morceau qui s'appelle Down et sous-titré How Long Till I Get Over Her. Petite surprise en voulant placer le CD dans le lecteur. Et j'ouvre la boîte et qu'est-ce qu'il y a? Bah justement il n'y a rien, le CD n'était pas dans la boîte. Donc je pense que je l'ai oublié chez moi. C'est un petit peu embêtant. Je vais soit essayer de vous le trouver via internet ou vous trouver un autre morceau de Lars Nelson. Je suis désolé pour lui parce qu'en plus c'est un artiste qu'on a soutenu depuis le début, notamment son album avec le Cargo Cult. Donc, et en plus il nous a mis dans ses remerciements sur le CD. Donc voilà, il faut vraiment qu'on trouve une solution. On va essayer d'en trouver une. Donc pour l'heure, on va avancer un tout petit peu le programme qu'on avait prévu. On va retourner sur l'album Powerplay, celui de Fred W. Un album intitulé Un truc bizarre. C'est un album comme autoproduit, dans le sens où bien il a fait la demande à ses fans pour financer une partie des coûts. Il avait besoin de 5000 euros, il a levé 3000 euros, c'est ce qu'il voulait obtenir. Il a eu exactement 3105 euros de la part d'une centaine de fans, donc chacun a mis plus ou moins 30 euros pour que son projet puisse voir le jour. Et puis ça nous permet un peu de voir comment ça se passe aussi, la répartition des frais, puisqu'il y a à peu près 28%, 30% pour le studio, l'enregistrement, et 25% pour le pressage. Donc tout ça, ça ne laisse plus grand chose pour la publicité, les photos et tout ce qui s'ensuit, le mixage, enfin bon. Finalement, il a quand même réussi à avoir ses 5000 euros puisqu'il a une association qui s'occupe de lui et qui a financé le reste des coûts. Je vous ai mis aussi sur la page Facebook de Planet Indie la vidéo du morceau Un truc bizarre, justement une vidéo enregistrée chez des gens puisqu'il fait des concerts aussi à domicile, l'ami Fred. Donc n'hésitez pas à aller voir. Nous, on va écouter un morceau qui s'intitule Reconstruire et repeindre. Bah oui, je ne sais pas s'il le fait à domicile chez les gens aussi, mais pourquoi pas, il faudrait lui demander à l'occasion. En ce qui nous concerne, eh bien, on va écouter ce morceau et puis on va essayer de trouver une solution pour l'ami Lars Nelson, bien évidemment. Power play. Power play. Pourquoi tu cours toujours tout le temps? Pourquoi tu cours comme une enfant? Pourquoi tu cours toujours tout le temps, du lever du jour jusqu'au couchant? Toute cette énergie dépensée, tous ces travers, tous ces ratés, les rendez-vous pris sur le tard, et puis surtout tous les retards. Pourquoi tu cours toujours tout le temps? Pourquoi tu cours contre le vent? Pourquoi tu cours toujours tout le temps? Cours à rebours contre le temps. Peur de manquer une étincelle, de négliger un arc-en-ciel, de s'encrouter, de s'abrutir, s'enterrer avant de partir. Pourquoi tu cours toujours tout le temps? Pourquoi tu cours comme une enfant? Pourquoi tu cours toujours tout le temps, du lever du jour jusqu'au couchant? C'est quand on s'arrête qu'on s'endort, finalement t'as pas vraiment tort. Ça vaut peut-être pas vraiment le coup de s'arrêter là au bord du trou. De façon t'inquiète pas si tu tombes, j'suis là, je guette dans la pénombre. Pourquoi tu cours toujours tout le temps? Pourquoi tu cours contre le vent? Pourquoi tu cours toujours tout le temps? Cours à rebours contre le temps. Pourquoi tu cours toujours tout le temps? Pourquoi tu cours comme une enfant? pourquoi tu cours toujours tout le temps. Voilà, à l'instant, donc, c'était Fred W. avec un extrait de son album Un truc bizarre. On écoutait le morceau Reconstruire et repeindre. Bonne nouvelle pour Lars Nelson, on a trouvé une solution. Donc, on va pouvoir vous passer ce morceau Damn. Et le sous-titre, c'est How long till I get over her. Over her et pas non pas over here. Voilà, Lars Nelson, cet extrait, quant à lui aussi, de son tout nouvel album qui s'intitule Gold Elevators. Broken into two and three. What is if I was? She scoops over me. Crawling out of my skin, I just fallen out of my mind. The best of times I roll and leave a memory behind. And I've been arrested, today's got nothing but rain. Feels powerless when I see her again. The spirits keep on fading, the seasons are above. Looks like it over her. Wake up and find another shadow day. Fumbling for the keys, thinking of the price I paid. It was fair, but the ghosts are haunted still. Just to move on, but my heart never will. There's been a restless, there's got nothing but rain. Feels powerless when I see her again. The speakers keep on fading, the seasons out of love. Launch like it over her. Nights have been restless, the days got nothing but rain. Feels powerless when I see her again. The spirits keep on fading, I'm seeing the out of blood. Alone till I get over her. How long, yeah, till I get over her? Like I'm better. Moonlight falling at my face. Then by chance I smell a fragrance in the air. And my life goes back to incomplete. Yeah. Now it's been a restless day. It's got nothing but rain. Feels powerless when I see her again. Give them bed and the seasons are above. Looks like it over her. But now she's sleepless, there's nothing but pain. It's powerless to see her again. The speakers want it bed and it's giving us drink and stuff. Looks like it over her. How long, yeah. I get over her, yeah. Lovely Sparks. Hi, this is Michael from Socionic, and you're listening to Planet Indie. Hey, this is Mindle Beach Markets, and you're listening to Planet Indie. C'est des robots. Dans la rue, c'est des robots. Dans le café, tous des robots. Et les bureaux, c'est des robots, c'est des robots. Pas de regard, pas de souris. Pas de regard, pas de souris, c'est des robots. Comme des robots, on fait du sport comme un robot. On court comme des robots, on court comme des robots, comme des robots. Robot, tu es un robot. Robot, il est un robot. Robot, elle est un robot. Comme des robots, au revoir madame, monsieur robot. Comme toi, monsieur robot, tu as une main et c'est très beau. Tu crois un jour comme un robot, tu crois un jour comme un robot. Titre va être plus facile à prononcer que le nom de l'artiste, puisque ce morceau est chanté en français, comme vous avez pu l'entendre. Bon, il y a un petit accent, hein, ça je vous le concède, c'est un accent suédois ou danois. Le gaillard s'appelle Martin Larka. Bon, la difficulté, c'est que sur le A, il y a un petit rond, et sur le premier A, il y a un petit rond, et sur le deuxième, il y a un tréma. Donc, j'ai aucune idée de comment ça se prononce en langage nordique, donc on va le prononcer à la française, Martin Larka. Avec le morceau Robot, on retraverse l'Atlantique et on va écouter la plage titulaire du nouvel EP 5 titres de Carrington McDuffie, un maxi on va dire comme on disait à l'époque, 5 titres qui s'appelle Crush on You, et puis on va écouter nous-mêmes le morceau titulaire. Et puis on a un petit jingle aussi, Carrington McDuffie qui vous parle. Hi, my name is Carrington McDuffie, and you are listening to Planet Indie. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, come on. Who's gonna make me, feel lonely? I told you that I'd cry for you, but only for a week or two, and I'm through. Sugar, honey, I know. just can't go on this way. Yeah, things just can't go on this way. Don't you see? You got a crush on me. And it's true, I got a crush on you. Don't you see? You got a crush on me. And I do, I got a crush on you. Crush on you. I'm still in love. Go! I'm still in love. C'est un morceau sorti chez Tirk Records. Ça s'appelle Toys. On écoutait le Richardson remix. Et l'artiste qui nous a pondu cela, il s'appelle Hedford Vachal. Avant cela, c'était Achira avec Riding in Cars. 18h07, nous on est pile poil dans les temps puisqu'on est censé terminer à 18h30. Enfin bon, si vous insistez, on peut terminer à 19h30, à 20h30, à 21h30. Mais pas plus tard, hein. Aujourd'hui, pas plus tard que 21h30. Je vous rappelle que vous écoutez Planet Indie comme chaque premier samedi du mois entre donc 17h et 18h30. Cette émission est rediffusée demain sur cette même fréquence, demain dimanche. Donc si vous nous écoutez le dimanche, c'est pas l'émission en direct, c'est la rediffusion. Si vous nous écoutez le samedi, eh bien vous avez la chance de l'avoir en prime, c'est-à-dire en direct, et les nouveautés directement dans vos oreilles. Vous retrouverez aussi le podcast de cette émission sur notre page web. Donc vous tapez Planet Indie et puis vous y arrivez tout de suite, vous pouvez tout réécouter, ainsi aussi que nos archives. On va retourner sur l'album de Fred W, l'album intitulé Un truc bizarre. Fred qui est un inconditionnel de la chanson française, puisque ses sons et ses paroles aussi, je cite, entre un accordéon bleu et une guitare orange, quelque part entre Brassens et Springsteen. Voilà, et avec ses musiciens, donc il a enregistré ce bel album. Je vous ai mis aussi une deuxième vidéo. Bah oui, aujourd'hui on est généreux, hein. Deux vidéos aujourd'hui sur notre page Facebook. La vidéo toute nouvelle d'ailleurs qui nous a fait parvenir la vidéo du morceau qui s'appelle Et si. Donc si je lis un peu ce qu'il y a sur sa présentation, il nous dit que après les groupes, les bars, les festivals, les réussites et les échecs, les solitudes, les stages, les ateliers, les rencontres, les séparations, les trouvailles, les coups de génie et les coups de blues, les coups fourrés et les coups de gueule, les coups de sang et les coups de foudre, tout ce qui fait le parcours d'un artiste, me voilà reparti avec un nouveau projet et de toutes nouvelles chansons. Donc nous, on en a écouté deux jusqu'à présent, et comme c'est la tradition pour notre powerplay, on va en écouter une troisième, et ce sera la plage numéro 1 de l'album. Elle s'appelle Les Sorcières. Je vous rappelle donc son nom, Fred W. Il est originaire de Nancy. N'hésitez pas à le contacter si vous voulez même organiser un concert chez vous. Il viendra. On l'écoute avec Les Sorcières. Powerplay. Powerplay. Arrêter le vent, se cacher au moins quelques jours pour revenir au bon moment. On pourrait prendre aussi le temps de s'échapper de l'ordinaire, ne voir seulement que le présent pour ne pas croiser les sorcières. Mais on n'ira jamais voir les sorcières, on attendra bien gentiment à l'abri. Construire une vie de chimère, on s'en fout, on restera ici. On pourrait caresser nos peurs, soumettre enfin les habitudes, se libérer de la rumeur. Pour dépasser nos servitudes, on pourrait éviter le pire, les angoisses et puis les colères. Être plus fort que le désir pour ne pas croiser les sorcières. Et on n'ira jamais voir les sorcières, on attendra bien gentiment à l'abri. S'il faut se construire une vie de chimère, nous on s'en fout, on restera ici. Dire que c'est fini, qu'on a trop bu et trop couru, mettre nos tourments en sursis et toutes nos pilules au reclus. On pourrait même changer le monde, cracher nos livres et nos prières. Toutes ces pages nauséabondes pour ne plus croiser les sorcières. On n'ira jamais voir les sorcières, on attendra bien gentiment à l'abri. S'il faut se construire une vie de chimère, nous on s'en fout, restera ici. Mais on n'ira jamais voir les sorcières, on attendra bien gentiment à l'abri. S'il faut se construire une vie de chimère, nous on s'en fout, restera ici. Une autre nouveauté dans cette émission, il s'appelle Matt Roach. Je pense que c'est la première fois qu'on l'écoute. Il nous interprétait le morceau intitulé Black Noondown. Avant d'aborder eh bien, la dernière ligne droite pour aujourd'hui, un petit tour, si vous le voulez bien, sur la programmation de la Rocale. Eh bien, les voisins vont être contents, ils vont bien dormir parce que Ça va être assez calme hein, au cours de ce mois d'août. Il y a une seule date de prévue, le 20 août, c'est Alex Vargas avec la soirée congé annulé. Et encore, je me demande si ça se passe pas au Rotonde. Je crois que oui. Donc, c'est organisé par la Rocale, mais ça se passe au Rotonde. Donc, ça va dormir tranquille du côté de Belleval. À la rentrée, eh bien, le 23 septembre, vous pourrez aller voir Beyond Bollywood, le 24 MHD et puis le 29 Nickelback. Voilà. Et puis une autre date. À vous signaler, c'est le 7 octobre, c'est le show, ils viennent pratiquement tous les ans, de The Australian Pink Floyd Show. Ce sont évidemment les reprises de Pink Floyd. Encore deux petites dates que j'aimerais que vous notiez dans vos agendas. Le 8 octobre, c'est le Music for Good, c'est le meilleur de la scène musicale luxembourgeoise qui jouera. Pour les bénéfices de ce concert, eh bien, seront reversés à MSF Luxembourg. Donc, vous aurez l'occasion d'entendre Sun Glitters, Seed to Tree, La Relève et Edson. Et puis, il y aura le EP release du groupe 0.5. Ça se passera le 21 septembre à la Rocale, évidemment. Et l'entrée sera gratuite. Donc, si vous voulez aller écouter de la musique à l'œil, ça se passera le 21 septembre au Floor de la Rocale. J'en profite aussi pour vous signaler que notre prochaine émission, la numéro 376, eh bien, elle sera diffusée sur cette fréquence le 3 septembre. Donc je serai très heureux de vous retrouver à cette occasion eh bien, pour de nouvelles aventures musicales. Nous, on va donc aborder la dernière ligne droite de cette émission. Du côté de la Rocale, je vous disais que ça allait être tranquille. Eh bien, le morceau suivant l'est tout autant puisque c'est assez calme. Ça s'appelle The Last Song. Rassurez-vous, ce n'est pas la dernière pour ce soir. On en aura encore deux à écouter après celle-là. Et ça nous est chanté par le groupe My Girl The River. Close the book, turn out the lights. No more day, no more night. The last song is playing in my mind. The last song, let it go and unwind like a string through the sky, tied to the tail of a butterfly. The last song. Every word I wrote was true. Every the last song is playing in my mind. The last song, let it go and unwind like a string through the sky, tied to the tail of a butterfly. The last song, the tune it cannot stay. And the melody lost at sea is floating. Un peu plus en douceur pour cette fin d'émission. Malheureusement, on ne va pas écouter le morceau en entier puisqu'il fait plus de 7 minutes et on n'a plus vraiment le temps. Donc, c'était le Black Turtle Dove avec le morceau I Was Small et avant cela, My Girl The River, The Last Song. La dernière pour nous, eh bien, c'est interprété par Dawny Ellis avec Ghost of the Low Country. Ça va clôturer donc l'épisode numéro 375 de Planète Indie. J'étais très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale. Et je vous retrouve donc pour la rediffusion eh bien, demain entre 17h et 18h30 pour le podcast sur notre site internet dès ce soir. Et pour nos prochaines aventures en direct, ce sera le 3 septembre à 17h. D'ici là, eh bien, passez un bon week-end, un bon mois d'août et à bientôt. They're the ghost of the low country, coming out of the river, washing over me. they're the ghost of the low country. Singing sweet voices in harmony of their yearning to be free. The ghost of the low country.